En Corée du Sud, selon Yonhap News, les militaires américains et sud-coréens ont effectué les exercices maritimes le 26 dans la mer de l'Est de Corée pour frapper nos cibles sur la terre avec les destroyers à missiles téléguidés, les destroyers Aegis et d'autres vaisseaux ainsi que les avions patrouilleurs maritimes et les hélicoptères anti-sous-marins des forces navales américaines et sud-coréennes.